بسم الله الرحمن الرحيم. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Kaifa Tastafid min ad-durus al-ilmiyya, comment tirer profit des cours religieux. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للاستمرار في الدروس, وفقنا سبحانه وتعالى لطلب العلم. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم علينا كثيرة جدا, ومن تلك النعم كما قلنا طلب العلم, فإنه من أسباب رفع الدرجات في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم من أسباب دخول الجنة. قال عيسى عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى الجنة, الحديث في الأربعين تقدم معنا. لكن هذه النعمة لابد نحافظ عليها بأمور, نحافظ على هذا الطلب بأمور حتى نستفيد وحتى ننتفع مما نحن فيه. والذي سنذكره الآن تقدم معنا في درس الاقتصاد في الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله, صاحب العمدة, عمدة الأحكام. ففي درس الاقتصاد هذا ذكرنا مقدمة في طلب العلم, أي ذكرنا بعض الأسباب إذا أخذها الطالب بإذن الله يستفيد, بإذن الله يستفيد. ونعيدها هنا للحاجة وبعض الإخوة ما كانوا معنا, فللفائدة. ومن باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر هذه الأمور ونعمل بها إن شاء الله. وهذه الأسباب مبنية على جواب, على جواب على سؤال قدم إلى شيخنا حفظه الله يحيى الحجوري وفقه الله. سئل في أحد دروسه السؤال التالي, قال السائل: ما هي أسباب إتقان الدروس؟ ما هي أسباب إتقان الدروس؟ أي إذا ماذا الشيخ يحيى حفظه الله؟ سكوا الكوز أو كلسوا الكوز, يعني بستفد دروس كبخو. تعلمون في المركز ولله الحمد دروس كثيرة والطلاب كثير, فبعض الطلاب ينعى كان مداشر يحيى دون موا دي كونسي بكش بخفيد دروس, لأن تبقى وتخذ الدرس ولا تستفيد. إما الدرس اللي بعدابتي بخطوة, إما تتبع سيريو, إما تعريتي, أمور كثيرة كثيرة. Tu peux rentrer dans le dars et tu stafettes et tu profites de ce cours, lakin tu profites pas comme un autre. Tu trouves, il y a plusieurs élèves, maintenant ils rentrent dans un cours, tu trouves lui, il va profiter beaucoup plus que lui. L'imam d'aller, il y a des choses. Il y a des choses à maîtriser, il y a des choses à comprendre. Hatta, tu profites du ilm. Hatta, tu profites du ilm. Wa shaykh hamidahullah أجاب بجواب مسدد, مسدد جدا كما سيأتي, كلمات مختصرة ويعني نأخذها واحدة واحدة عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. فأجاب حفظه الله تعالى قال من أسباب إتقان الدروس أولا إصلاح النية. C'est la première chose. إصلاح النية أي la sincérité. Ta niya, il faut qu'elle soit, et ton intention, il faut qu'elle soit لله. كما سيأتي لأن الطلب طلب العلم سي العباد. فلا يجوز que cette intention elle soit pour autre qu'Allah. أبدا. Tu ne fais pas pour les gens, tu ne fais pas pour la dunya, tu fais ça لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala illa avec l'ilm. Illa avec l'ilm. Qala subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sayati ma'ana fil usul al-thalat bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Qabla al-qawli wal-amal. Al-thani sana'ati sana'ashrah inshallah wahida wahida al-an. يعني نذكر الجواب مجملا الآن ودنا ريبونس دو شيخ يحيى ان غرو ثم اون ديتاي. قال الثاني الرغبة في هذا الدرس أي سيكتي أنفي دو فيغ سو درس سيكتي أنفي. أما سي تو فيه باسكو تي فورسي أو باسكو تا ريان أفير أو باسكو سا فا با إتر فا أفوار اون غروس فائدة. Tu vas faire, peut-être que tu vas lâcher, peut-être que tu vas... Ah, mais si tu aimes le temps, si tu as envie de le faire, Inch'Allah, je vois que tu vas se taffer. Anna, la personne, si elle aime faire une chose, c'est clair, elle va s'accrocher. Si elle est forcée, c'est que ça ne va pas être pareil. Hada, c'est wabah. Hada, c'est wabah. Qal, athalit, adab, majalis al-ilm. Aïe, il y a un comportement à avoir. في مجالس العلم les assises هكذا dans les dorous dans il y a un comportement comportement comment s'asseoir comment prendre des notes comment كذا comment كذا ça celui qui maîtrise ça va l'aider جدا ça va l'aider جدا. قال الرابع تقييد الفوائد. الرابع ce qui va t'aider à maîtriser un cours c'est de prendre des notes. أما tu viens t'asseoir sans prendre de notes tu vas staffer. لكن pas comme quelqu'un qui a pris des notes. لأن la personne elle oublie. Tu peux assister, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça. لكن celui qui a noté, il a le résumé du dars, il l'a lui. Il l'a. Et là, chacun a c'est anfa. C'est anfa. Al-Khamis al-Muraja'a. Aïe, le fait de réviser. Tu peux prendre un dars et si tu ne révises pas, tu oublieras. Tu oublieras. السادس محبة المدرس أي لفت ديميس وكي دن لكو ساس من طبيعة الإنسان دتا من برسان tu vas avoir plus de facilité à accepter ce qu'il dit. Si tu détestes une personne, tu vas avoir beaucoup plus de mal à accepter ce qu'il dit. Fa min asbab al-istifada min ad-durus muhabbat al-mudarris. Muhabbat al-mudarris. Al-akhir qala al-amal bima ta'allamt. Ay le fait que tu appliques ce que tu as appris. Le fait que tu appliques ce que tu as appris. Li'anna al-'ilm le but c'est de faire. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. أما العلم فقط مثلا تقول اتدي با لا إله إلا الله ستسغر لكن أنت تبخو سبخفا سبخفا إن شاء الله نبدأ واحدة واحدة وبالله التوفيق. وهذا الأمر مهم قبل أن ندخل في الدروس إن شاء الله نحن سندرس الآن بإذن الله شرح الأصول الثلاث للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العزيمين عليه رحمة الله. لكن في الحقيقة قبل أن ندخل لابد نفهم هذا. Celui qui a compris, ça lui fera un rappel. Et celui qui n'était pas là, ça lui fera يستفيد إن شاء الله. يستفيد. لأن الدروس, tu peux rentrer dans plusieurs دروس. Tu peux prendre beaucoup de علم. لكن il y a une طريقة, il y a une route, il y a un chemin, il y a une méthode. Il y a une méthode. لابد qu'on la comprenne. لابد. Si tu veux voyager, tu es obligé de connaître la route. Si tu pars à Hakata, ton voyage il peut durer très longtemps. Tu vas d'un point A à un point B. Si tu connais la route, ça peut être très rapide. Si tu ne connais pas la route, tu vas faire un détour et l'arrêter ou à Tata'ab. tu vas arriver là, qui est le Talab al-ilm hakada. Si tu connais la route, tu connais la méthode, bi-ibnillah, ça va te faciliter. Et hada dars, c'est fait pour ça. Qabla an nadkhul fi hadhihi ad-durus, inshallah, nastafid min hada. نعيد السؤال قال سئل الشيخ حفظه الله ما هي أسباب إتقان الدروس أي سيكوا لا كوز pour profiter d'un cours أو des cours أو maîtriser le cours il y a des causes قال الأول إصلاح النية أي le fait de corriger ton intention لأن طلب العلم c'est العبادة العبادة كما تقدم معنا كثيرا يشترط في العبادة أمران من يذكرنا عندك الركض أحسن الإخلاص والمتابعة لا بد طلب العلم c'est une adoration t'es obligé d'avoir deux choses être sincère pour Allah le faire comme le prophète عليه الصلاة والسلام il l'a fait s'il manque un des deux c'est pas accepté c'est pas accepté قال سبحانه وتعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الشاهد مخلصين ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي لفت أدعو الله سل وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس يوحدون أي الله لك خير البشر الإنس والجن إلا لهذا وهذا في الحقيقة تحقيقه لابد من دراسة التوحيد Pour comprendre ce point, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire dans les drosses de Tawhid. Al-Usul Salat, Al-Qa'id Arba, ila, Masha'Allah. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama l'a'malu bin niyat. Innama l'a'malu bin niyat. Les actes, c'est avec les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Fala bud, que ton intention soit sahiha. Si ton intention elle est lillah, ton acte, il sera lillah. Si ton intention elle est lillah, elle est pour autre qu'Allah, ton acte, il sera pour autre qu'Allah. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا للبنية فهجرة إلا فلله الله يكوف لله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا إلى فسا هجرة أخرى الله الله إلا دلسي أليس هجرة وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يروي عن ربه سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشرك عن الشرك من أشرك بغيري تركته وشركه الله عز وجل يقول في حديث قدسي أن celui qui lui donne un associé dans une عبادة الله اللي دلسه ليس عبادة لأن العبادة حق لله كما في حديث معاذ يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما حق الله على العباد قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا le droit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a sur nous c'est qu'on l'adore on lui associe personne ni fait talab al-ilm ni fait salat ni fait zaka ni fait dhabh التوحيد أي tout ça c'est لله فقط c'est pour Allah seul subhanahu wa ta'ala وهذه النية معالجتها ليس بالسهل يعني ça demande du temps le fait de corriger ton intention ça demande du temps c'est pas facile لكن الإنسان يصبر الإنسان يصبر petit à petit حتى يكون مخلصا لله تعلمون أن الطالب المبتدئ قد يدخله شيء من يعني عوائق في هذا il peut avoir des choses qui lui rentrent dans sa niya au début il est jeune il fait pour fulan ou il veut qu'on parle de lui ou il fait شيء من أمور الدنيا لكن الإنسان يستعين بالله ويترك هذه الأمور قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين تستفيد من هذه الآية أن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالاستعانة إلا أن يستعين بالله Tu ne pourras pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, comme il faut, sans qu'Allah Azza wa Jal y t'aide. Iyyaka na'budu Aïe, c'est toi que nous adorons. Aïe, t'adore Allah. Aïe, pour adorer Allah Azzawajal, t'es obligé qu'Allah t'aide. T'es obligé de lui demander de l'aide. L'insan, il revient à Allah. Il demande à Allah Azzawajal une bonne intention. Qala Sufyan, alayhi rahmatullah, من أئمة السلف قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Il a dit j'ai pas corrigé une chose. يعني أو j'ai pas eu du mal à corriger une chose comme j'ai eu du mal à corriger mon intention. لأن ça عمل قلبي. Personne ne voit, c'est entre toi et Allah سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتهد في هذا. يجتهد في هذا. قد يقول قائل كيف نصلح النية؟ Une personne, elle, elle peut demander comment on fait. Comment on fait pour corriger notre niya? Comment on fait? قال الإمام ابن جماعة عليه رحمة الله. الإمام ابن جماعة il a un kitab في هذا. تذكرة السامع. Un kitab نافع. Un kitab نافع في هذا. في طلب العلم. في طلب العلم. أي comment étudier la science. Il a un kitab في هذا طيب. إلى مطبوع هنا. قال حسن النية في طلب العلم أن يقصد به أي صاحبه وجه الله والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتجلية باطنه والقرب من الله يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. هذا هو النية أو هذه هي النية الحسنة الحسنة. قال رحمه الله حسن النية في طلب العلم أي le fait d'avoir une bonne intention في طلب العلم أولا c'est que ça soit pour Allah عز وجل. Ça c'est أولا. Ça fait sortir tu ne طلب العلم pour فلان أو علان أو pour avoir un travail أو pour là. C'est لله. C'est العبادة. C'est العبادة. الثاني c'est t'applique ton intention ta foi ou l'intention que t'as dès que t'apprends une chose c'est dire c'est t'applique que tu fasses avec. T'apprends pas pour t'apprends pour faire. T'apprends pour faire. قال عز وجل إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الإيمان المبني على العلم ثم العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم ثم العمل ثم العمل. وسيأتي هذا الباب معنا في الأصول الثلاث. قال الثالث إحياء الشريعة أي ton but ça doit être de faire revivre هذا الدين. هذا الدين ton but c'est que tu sois un da'i إلى الله et que tu fasses revivre des sunan. Tu fasses revivre هذه الشريعة بقدر ما تستطيع. قال الرابع تنوير القلب. نعم سأغط في العمل. وقال أو ذكر آخر ما ذكر القرب من الله يوم القيامة. نعم القرب من الله يوم القيامة. وهذا c'est une chose importante que tu as cette niya. Hey, tu fais ça pour te rapprocher d'Allah. Plus tu adores Allah Azza wa Jalla à la basira, plus tu te rapproches de lui, tu te rapproches de l'Jannah. De l'Jannah. قال والتعرض لما أعد لأهله من رضوان. Hey, يعني avec talab al-ilm, ton but c'est d'obtenir ce que Allah Azza wa Jalla il a promis aux croyants. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Fa'anta c'est ça ton but. Ton but c'est de talab al-ilm, c'est de faire. Hatta tu deviens rajulun salih et tu rentres dans le jannah. Et tu rentres dans le jannah. Nastafid min hada anna talab al-ilm c'est pas pour le dunya. Talab al-ilm c'est pas pour avoir un poste huna ou huna. Talab al-ilm c'est pas pour les gens. لا طلب علم لله إيه ما ذكر هذا الإمام عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء لمن صلحت أو صحت قال نيته. قالوا كيف ذاك؟ الإمام أحمد يتموت أن يغياكب طلب العلم تخسريك البنية لأن العلم هو الأساس. العلم هو الباز. ستجو علم tu pourras faire des amal, tu pourras faire des hommes. Si tu n'as pas d'ilm, ça t'attarde. Comment tu veux faire une chose que tu ne connais pas? Lakin, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a mis un short. Il a dit, l'imam saluhat niyato. Il n'y a pas une chose comme l'ilm pour celui qui a une bonne niya. Mais celui qui a une mauvaise niya, c'est une preuve contre lui. Al-Qur'an, hujja sourate lak ou alayk. Al-Qur'an, imma c'est pour toi, imma contre toi. C'est contre toi si tu as une mauvaise niya. Tu l'as appris pour les gens et tu ne fais pas, tu n'appliques pas. Yani, ma ta'allamt, tu n'appliques pas. Yani, le Qur'an que tu as appris. Qala alayhi rahmatullah. ينوي أي صاحبه ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أي دك تطلب العلم تنية سي دنلوي الجهل كتا توا اي دنلوي الجهل وزوتر دنلوي الجهل وزوتر قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال سبحانه وتعالى في سورة العصر وتواصل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر فتنبت سلسا سيدان للجهل كتاتوا ادده لزوت ادده لزوت أي de leur apprendre ce que t'as appris toi فتوش كمان سيتي ستمتر النية كمان النية كمان في طلب العلم وفي غيره في طلب العلم وفي غيره فالحذر الحذر أيها الطالب من إفساد هذه النية برياء أو شرك أو سمعة أو غير ذلك الحذر الحذر وبفق خذ attention notre nia c'est la chose que t'as l'abîme ça peut être grave c'est grave بلا شك c'est grave فالإنسان يحذر من هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن أول ما يلقى في النار أو من أول ما يلقى في النار ذكر الأصناف الثلاثة المذكورة les trois premiers qui vont entrer في النار c'est ces trois une personne qui a fait le jihad, une personne qui donnait de l'argent, il faisait des sadaqas, et une personne qui avait du ilm. Et les trois, le but ou la cause à cause de quoi ils sont rentrés dans le jannah, ou dans le nar plutôt, le sabab qui les avait rentrés dans le nar, c'est qu'ils avaient une mauvaise niya. Lui il a fait le jihad pour qu'on dise il est courageux, lui il a donné pour qu'on dise c'est un rajul karim, c'est une personne généreuse, et le troisième il a appris pour qu'on dise c'est un alim, c'est un kada, c'est un kada. فالحذر الحذر العلم وحده لا يكفي العلم لا بد من ثلاث أمور تلنية تلبنية تلعمل تلعمل وتفيد دعوة تفيد دعوة شنو كاس ثلاث شوز طيب طيب هذا المطلوب أما تفيد العلم لفلان لا يدري وتقدم معنا الوعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخل الناس تبصنا ألفا في النار ألفا في النار قال حماد بن سلمة عليه رحمة الله من أئمة السلف قال من طلب الحديث لغير الله عز وجل مكر به celui qui apprend العلم لغير الله مكر به أي العلم va se retourner contre lui هذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك وعليك القرآن حجة لك أو عليك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية الحسنة ونعوذ بالله من الشرك والرياء السبب الثاني ذكر الرغبة في الدرس أي que tu sois motivé que tu as envie de faire ce درس tu as envie de faire ce درس فهذا من أعظم الأسباب هذا من أعظم الأسباب c'est que tu es motivé à faire ce درس et parmi les choses qui vont te motiver c'est que tu saches l'importance de ce درس خاصة التوحيد والعقيدة واللغة العربية إلى آخره si tu connais l'importance du درس ça va te motiver مثلا prends l'exemple de التوحيد tu sais que التوحيد c'est la chose la plus importante التوحيد c'est la base c'est la base فsi tu connais l'importance du التوحيد ça va te motiver à étudier التوحيد à étudier التوحيد فالرغبة مطلوبة مطلوبة وتعين على الاستفادة تعين على الاستفادة الأدب الأدب في الحلقة أدب مجالس العلم هذا سأبتدي أستفد جدا لأن الدروس تتوصل دروس طلب العلم في الغالب والكثير فلا بد من أدب لا بد من أدب أي obligé d'avoir un bon comportement في هذا parmi ces comportements الأول الحرص على التبكير الحرص على التبكير أي le fait de venir à l'heure بل si tu peux venir un peu avant أحسن حتى المدرس celui qui donne le cours il vient il trouve tout le monde فهذا أمر مهم سوء إلى الإمام الشعبي عليه رحمة الله من أين لك هذا العلم؟ Ils ont demandé à l'imam Shaabi عليه رحمة الله من أئمة أهل السنة. Ils ont demandé comment t'as fait pour avoir ce علم que t'as. Il a répondu رحمة الله بنفع الاعتماد والسير في البلاد والصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب كبكور الغراب. Il a répondu رحمه الله بنفع الاعتماد أي تتقي pas sur فلان أو فلان. الاعتماد يكون على الله. واعتصموا بحبل الله جميعا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. فالاعتماد يكون على الله. الإمام الشعبي عليه رحمة الله يتمور si tu veux arriver في طلب العلم ne compte sur personne, fais des efforts واستعن بالله واستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك أي fais des efforts واستعن بالله, demande à Allah, ولا تعجز, ne désespère jamais, لأن الله عز وجل يدنا كيبو. على كل حال الشاهد أن الإنسان يبينتو. أما si tu viens et t'as loupé maintenant un quart d'heure, t'as loupé la moitié du dors, t'as loupé le début, t'as loupé, tu vas pas se taper comme une personne qui était là depuis le début. Tu vois pas, ça fait comme une personne qui était là depuis le début. Depuis le début, ouais, il est venu, il a rajé, il a révisé. Thomas, il assiste au cours depuis le début jusqu'à la fin. Il a les autres. Celui qui a une excuse, malade, ou il avait quelque chose à faire important, ça l'a retardé. Là, الأدب الثاني استعداد الطالب بأدواته. أي أن الطالب يبيان avec un cahier, son livre, il vient avec des stylos, إلى آخره. أما الطالب يبيان, il a pas de livre, il prend pas de notes, il prend pas كذا, فالاستفادة elle ne va pas être comme un frère qui note il a akhri, abadan. Celui qui a le livre, qui note ce que Moudarissi dit, il va plus profiter du cours qu'un autre. فَلَا يَبَغِي الطَّالِبِ بِيَنْ هَكَذَا لَا يَبَغِي لِأَنَّ الْعِلْمِ الْعِلْمِ comme on a dit, il y a des méthodes. Parmi ces méthodes, le fait de prendre des notes. Et ça y est, on va y voir dans le prochain point. Wallahu alam. Oh, naam, ça va venir. Al-adab al-thalith, al-insat, atna al-dars. Aïe, pendant que le mudarris ou le sheikh, il parle, et il écoute. Et il écoute. S'il a quelque chose, imma il lève sa main, imma il envoie un papier, imma il attend la fin du dors. Si c'est une chose importante, maintenant le modèle a fait une faute, ou un mot, il n'a pas compris, là, s'il lève la main, hatta, il peut suivre le reste du dors. Amma, si c'est une question par rapport au dors, il attend jusqu'à la fin. Il attend jusqu'à la fin. يعني avec استفدنا من الدروس المتقدمة أن كثير من أسئلة الإخوة la réponse elle vient pendant le dors. أحيانا يا طالب أو أفقا مثلا il entend une chose dans le dors, il veut poser la question, il a une question, لكن si t'attends un peu 2 minutes 3 minutes في كثير من الأمور la réponse elle vient. Ça ne te précipite pas. Si t'as quelque chose, note-le. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un daftar, tu le notes. Et si pendant le dars, le mudarris, il n'a pas donné la réponse à ta question, tu la poses à la fin. À la fin, du coup, tu lèves la main. Akhi, kada, kada, kada. Et le mudarris, s'il peut te répondre, il te répond. Ha, kada, ahsan. Hatta le dars, il avance. Il avance. Si c'est une question mohima, la basse. La basse. وهذا السؤال إلى أدب. هذا السؤال إلى أدب. إلى أدب. Le fait de poser une question تقدم معنا كثير في درس الأربعين. درس الأربعين on avait vu كثير من هذه الآداب. آداب السؤال. فآداب السؤال أن يكون السؤال فيه منفعة. Le soual, tu dois en avoir besoin. C'est pas une question de curiosité là, c'est du digne. Si c'est une question, c'est pour que tu appliques. La question, imma, ça doit être une chose qui te rapproche d'Allah, tu veux savoir une ibadah matalan, ou une chose, tu as peur d'un mal. Tu as peur qu'un mal y touche, tu demandes, comme ça tu n'approches pas ce mal. Imma pour faire un bien ou pour s'écarter d'un mal. C'est ça, asl soual. C'est ça, asl soual. Qala Hudayfa radiyallahu anhu, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة دي أن الصحابة يدمضي النبي عليه الصلاة والسلام دي كسوس الخير أي الجنة كذا كذا كذا. حذيفة لا تموش دمضي المال. لماذا يدمضي الشوز ما يدمضي sur le mal حتى يسكر. لأن si tu sais une chose tu vas t'en écarter. Si tu sais que ça fait du mal tu vas t'en écarter. فالإنسان هكذا. Tu demandes une chose qui te rapproche, qui te rapproche d'un bien ou qui t'écarte d'un mal. كذلك الأداب السؤال. Tu demandes pour que les autres استفادوا. واستفدنا هذا من حديث جبريل. ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. أن جبريل يكونس لا بطول. لكن pour que les autres استفادوا. فلا بس أنت تأين فائدة. Ou tu connais la réponse d'une question, mais tu sais qu'il y a des frères qui ne connaissent pas. Et tu sais que c'est important, tu poses la question. Hatta عند الجواب الجميع يستفيد. وراجع درس الأربعين يعني فذكرنا فيه أشياء هنا. قال من الأدب كذلك الاستمرار. الاستمرار أي la régularité. Ça fait partie du comportement. أما واحد يرانت après il sort, un jour il vient, trois jours il vient pas. Ça c'est pas من الأدب. C'est pas من الأدب avec العلم et c'est pas من الأدب avec المدرس et c'est pas من الأدب avec الإخوة. فمن أدب العلم الاستمرار إلا لحاجة. Maladie, t'es tombé malade, t'as une chose importante à faire, tu dois aller au docteur, tu dois... Là, أما الأصل c'est العلم. الحاجة هنا il faut la comprendre. C'est pas un petit truc, tu délaisses le درس et tu vas à ta chose. Là, الأصل c'est العلم. الأصل c'est le درس, c'est ça la base. Si t'as une chose qui vient, tu la repousses. Sauf si tu peux pas, comme une maladie, comme quoi. أما une petite chose et tu laisses, j'ai quelque chose à faire là. لا لا لا بد من تعظيم هذا العلم يا جماعة لا بد العلم هذا يبصمه c'est pas un petit rendez-vous مع un frère خلاص j'ai quelque chose à faire là le rendez-vous repousse là لأن t'as un rendez-vous avant avec le مدرس avec le درس avec le temps et le rendez-vous tu peux le repousser لكن le درس tu peux pas si t'as loupé un درس tu l'as loupé لكن celui qui loupe celui qui arrive pas à venir au درس لحاجة il a une chose une maladie l'آخر il rattrape le درس il rattrape le درس ça c'est من الأدب. T'as loupé le درس لكن tu peux rattraper. Tu demandes à un frère il te refait le cours et tu prends les فوائد. هذا أمر مهم. Tu vas pas stafed في العلم إلا بالاستمرار. Ça faut bien se le mettre dans la tête. On va pas stafed إلا avec la régularité. Amma tu viens un jour, tu viens pas une semaine, tu rentres dans un درس, tu lâches, tu vas dans celui-là, t'arrêtes. Abadan tu vas stafed. Abadan. Belle c'est une cause que tu peux arrêter l'ilm. Les Anna, tu vas désespérer un an, deux ans, trois ans, tu vas voir que tu n'avances pas, tu vas désespérer, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. فانتبهوا لهذا. انتبهوا لهذا. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. العلم il vient avec l'apprentissage. Jamais une personne n'est sorti à l'âme depuis qu'il est petit. Abadam. On est petit, on est tous pareils. Lakin, la personne est devenue à l'âme avec la régularité, avec les efforts et l'âme. Fa, istamir, akhil karim, et tu vas voir la samara. Tu vas voir les fruits, mubashara. Amma avec les prépa, ça t'attab. T'attab le sac ou t'attab gaira. Tu te fais du mal à toi et tu vas faire du mal aux autres. Qala Abu al-Abbas. من أئمة اللغة سائمام بلغ غرب قال علي رحمة الله عن إبراهيم الحربي رحمه الله قال ما فقدت أو من ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة انظر أئمة السلف أبو العباس يدي إبراهيم الحربي إلى بلوبي أن كور سيد بلغ غرب C'est pas du tawhid ou de l'aqida, ça n'a pas la même importance. Lakin, on dort le hirs. 50 ans, il n'a pas loupé un personne. Avec ces choses, tu vois pourquoi Haoula s'est devenu des imams. Al-ilm, il faut du temps. Et le temps que tu as, il faut que tu sois sérieux dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Et là, les hajjs. Ou là, as-salaf, ça rentre dans sa tête, il va louper un dars sans hajjs. Pour lui, c'est une ibada. Comme il ne loupe pas salat, il ne loupe pas l'ilm. As-salat, ça t'est jamais venu dans la tête aujourd'hui, c'est pas salat. Et salat, elle a des heures précises. Al-ilm, hakada. Al-ilm, hakada. Si tu veux réussir, mets-toi dans la tête, ce dars, je dois y aller. سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله عز وجل في هذه الآية بين أن الإمامة تكون بالصبر واليقين. بالصبر واليقين. celui qui veut devenir un imam في الدين عالم لا بد يصبر. Un درس après un درس. حفظ مثل حفظ القرآن حفظ كذا il avance il avance حتى يفتح الله عليه. أما une personne il avance pas, il coupe à chaque fois, il va arriver où? Il va arriver où? فالاستمرار الاستمرار c'est mieux qu'on les 4 نستمر qu'on les 20 et il y a 50 coupures. Il y en a, ça va nous faire du mal. Un jour lui vient, un jour il vient pas, un jour كذا il a خلي. Là celui qui rentre dans les دروس ça n'y a ce qui lâche pas إلا للضرورة. Maladie, là. نسأل الله الإعانة. قال يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله لا ينال العلم براحة الجسد. لا ينال العلم براحة الجسد. تعرف غاشا ما بعرف علم أو تغبوزان. صح ولا بنتقل. العلم ستعب. طلب العلم يدوس فاتيجي. يدوس فاتيجي. درج هنا حفظ إلى آخره. الرحلة يدوس فياجي يدوس حتى يفتح الله عليه. أما سلوك العلم أو تغبوزان. هي دي أمثلة كثيرة في هذا في ملازمة العلماء أو ملازمة طلبة العلم للعلماء. هي دي أمثلة كثيرة. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله لزم الإمام عمرو ابن دينار عليه رحمة الله أكثر من 20 سنة. سفيان بن عيينة إذا غزت مع عمرو بن دينار بلد 20 سنة ستبني أثبت الناس في عمرو ابن دينار. ويمر معنا كثير في صحيح مسلم عن حدثنا سفيان عن عمرو إلى آخره. سدني أثبت الناس. سفيان بن عيينة سدني إمام. إمام من أئمة السلف. هنا مثال نحن نلفي كل يوم. الشيخ يحيى حفظه الله. لزم الشيخ مقبل تقريبا أكثر من 17 سنة. الشيخ يحيى حفظه الله إلى غزة الشيخ مقبل بل 17 سنة. فلهذا أصبح من أثبت الناس. في الشيخ مقبل عليه رحمة الله وأصبح من أبرز تلاميذه C'est quoi qui a fait ça? C'est la régularité. Anta, si tu réfléchis, est-ce qu'à l'époque de Cheikh Yahya, il y avait des élèves avec lui? La choc. Cheikh Yahya n'était pas tout seul. Ils étaient beaucoup à demain. Ils étaient plusieurs tollabs. Lakin, c'est quoi qui a payé? C'est la régularité. 17 ans, c'est devenu Cheikh Mokbil, rahimahullah, wasfabihi, à la kursi. Cheikh Mokbil, il l'a mis à sa place, yani pour diriger le marquez. Allah yahfadah. Tout ça pour dire anna nahnu, on prend exemple sur haoula. Abu Huraira radiyallahu an lazama an-nabi sallam akthar min 4 sanawat. Ta'lamun anna Abu Huraira radiyallahu an aslama ba'da al-hijra. Aslama fi al-Madina huwa ansari. Fa il s'est converti radiyallahu an, dès qu'il s'est converti, il a pu lâcher le Nabi alayhi salam jusqu'à que Nabi est mort. 4 ans et demi. Abu Huraira radiyallahu an s'est devenu ahfad ou hafid as-sahaba. C'est la personne qui a rapporté le plus de hadith. Limala, lianna il s'est accroché à Nabi alayhi salam layl nahar. Tout ce que Nabi alayhi salam disait, il l'a retenu. C'est devenu hafid as-sahaba. La personne qui a rapporté le plus. Qala radiyallahu an rahimallahu ikhwani min al-muhajirin يعني شغلتهم الأسواق ورحم الله إخواني من الأنصار شغلتهم المزارع ثم إلى مضخي لزمت النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره حتى رضي الله عنه من كثرة التزامه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام كان يسقط من شدة الجوع هو يتخبأي بلو إلى آخره son but c'était de suivre النبي صلى الله عليه وسلم dans tout ce qu'il fait. Et Allah عز وجل نفع به جدا. كم الآن استفد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه فهذه ثمرة العلم هذه الفائدة أو السبب الرابع في الاستفادة من الدروس التقييد أو تقييد الفوائد le fait de prendre des notes. Le fait de prendre des notes. هذا c'est من أهم ما يستفاد به الطالب. وتستفيد من هذا l'importance d'apprendre à écrire. Et là, l'importance d'apprendre l'imla. حتى tu fais pas des fautes, tu puisses te relire. Ça c'est مهم, l'importance du khat. طالب العلم من أول ما يبدأ به الكتابة. لأن الكتابة c'est un miftah, c'est comme une clé, le fait d'écrire. Ça va t'ouvrir les portes à beaucoup de choses. T'entends une faïda, tu peux l'écrire. T'as une question, tu peux l'écrire. Tu veux résumer un livre, tu peux l'écrire. Il est après. فأول ما يبدأ به الطالب الكتاب. Celui qui a encore du mal à écrire, il prend des doulons sur hada. Je prends des doulons sur le khat. Et il va te corriger, tu vas apprendre à corriger ton khat. Et c'est très simple. Celui qui se refait le kitaba, un mois, deux mois, trois mois, c'est ça. Il apprend très vite à écrire. Et qu'il y a l'imla. L'imla, c'est le fait, c'est l'orthographe. Attends, tu ne fais pas de faute. Hada min ahm ma yako. Un talib qui ne sait pas écrire, là il me barre. Là il me barre. Kadalik, il s'entraîne à écrire, hata il prend les notes assez rapidement. Et les notes, il y a une façon de les prendre, Jama'a. Les notes, tu prends l'essentiel, Anta. Tu prends l'essentiel. Natkor, dès qu'on était venu au début à Dammaj, il y avait un frère, Hafidhahullah, on ne connaissait pas l'ahlou, hadi l'umour. Nous, on croyait que tout ce que le cheikh dit, il faut le noter. Et un frère, miskin, il prenait les cassettes, il copiait jusqu'à minuit. Il y en a, il écrivait tout. Il commençait à 9h, il finissait à minuit. Il y en a, il copiait tout. À chaque fois, il mettait stop et il écrivait. Tout le monde, il mettait retour. Il avait du mal. Il n'avait pas encore un bon khaf. Il a arrêté. Il restait des fois jusqu'à minuit. Il a lâché. Après. Je ne peux pas. Je peux pas. Pourquoi là, je vous cite ça? Pour vous montrer, Anna, les notes, tu prends l'essentiel. Enfin, tu prends l'essentiel. Maintenant, ce que je suis en train de citer, tu prends un tas les verbes. Adab, soal. Et tu mets quelques points qui t'aident. Là, tu mets ta pied de fawaïd. Pas besoin de noter tout ce que le modèle dit. Là, tu notes al-mohim. Tu notes les choses qui vont t'aider à comprendre le livre. Ça, c'est mohim. Ça, c'est mohim. Et ça, ça vient avec le temps. Celui qui prend des doloroses, à force, il va comprendre le livre. الإمام الشعبي عليه رحمة الله إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الحائط. Ça c'est من باب المبالغة. Il te montre l'importance des notes. Et si tu entends une faïda, il faut que tu l'écrives. Kam min fawaid, al-Sheikh Hafidhahu Allah yadhkuruha, on les écrit pas, on les oublie. On sait que Sheikh il a dit kada, lakin on peut pas répéter, on n'est pas sûr. Amma ta daftar, tu dis maintenant une faïda, qala al-Sheikh kada, khalas, elle est enregistrée عندك. C'est pour ça que l'imam Shaabi t'a dit, si tu entends une faïda, écris-la même contre le mur. C'est une mubalagha, elle n'est pas écrite sur le masjid. C'est une mubalagha. Aïe, ça te montre que tu dois être prêt. Talib al-ilm a toujours un daftar. Son livre, il a appelé. Dès qu'il a une faïda, il l'écrit. Al-Khamis. Al-Sabab al-Khamis, al-Muraja'a. المراجعه وهذا من اعظم الاسباب المراجعه تعلمون ان الدرس تستفيد منه بلا شك تستفيد منه تطور دي شوز الى اخره لكن لابد من مراجعه لابد تريفيز لو كور كتابي مثلا الان انا بخي ان كور tu le revises pour demain والمراجعه لا تراجع بنفسك فسا خطا C'est un khatam. Les anna binafsik, tu vas arrêter. Un jour tu vas raja, un autre jour tu vas pas raja. Al-muraja'a, fais la deux. Prends un frère sérieux et fais le muraja'a avec lui. Tu lui dis ce que tu as compris, vous lisez matalan. Matalan, on a fait le début de Usul al-Salah. Tu lis le début avec lui. Ce que tu as compris, vous vous posez des questions. Si tu as une faïda à te passer sur le nez, tu l'écris. Huwa kadalik, il a akhir. Al-muraja'a, fais la deux. هذه سن نصيحة أن نطلب طلعين تسمى هذا خطأ الشيطان يبقى منير يبقى تفرق جدا un jour tu vas pas venir un jour il a akhir que ça soit حفظ que ça soit مراجعة que ça soit les دروس que ça soit fais pas tout seul prends-toi toujours un frère لكن que ça soit un frère sérieux que ça soit un frère sérieux si tu vois qu'il est pas sérieux fais pas lui il y en a il va te faire perdre ton temps un jour il va venir trois jours il va pas venir فالمراجعة faites-la deux هذا c'est mohim dans les deux dans le hifd كذلك. Fais pas tout seul. Fais pas tout seul. Les anna à deux, ça va te motiver. Lui, il a hafad maintenant une page de Coran, toi tu dois hafad une page. Et maintenant, vous vous mettez rendez-vous avant le Maghreb. Lui, il te récite, toi tu le récites. Ça va te pousser. Ah, mais mets-toi tout seul, tu verras. Tu vas dire aujourd'hui, je dois apprendre une page. Voilà, tu vas être fatigué, tu vas dire allez, demain. Demain, tu vas dire après-demain. Une semaine, tu vas peut-être pas l'apprendre la page. Anna à deux, là. Et vous vous motivez. Si t'as pas appris, le frère, il dit, taqillah. Si lui il n'a pas appris, toi tu lui dis, quand vous allez avancer. Les anna, tu sens que tu es suivi. Avec ikhlas niya. Lakin ça c'est des choses qui t'aident. Amma al-hifd wa al-ilm ya lillah, kama taqaddam. الإمام العزيمين عليه رحمة الله من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة أي المراجعة شيخ العثيمين يدفع النصيحة للشوز que tu dois donner de l'importance المراجعة لأن ça avec المراجعة كالعلم يرسل أنت tu peux faire un درس t'as appris des choses لكن ça va partir أو ça peut partir لكن si tu fais المراجعة ça va rester بإذن الله tu le راجع une fois deux fois حتى يثبت عندك هذا العلم وتقدم معنا في أحد الدروس نعم أن المراجعة كالماء بعض العلماء يديز أو يدن لكزامب دل مراجعة سكم دلو يدن لكزامب دل لغبو أن لغب سي العلم لفخوي دو ستاب ستو عمل ستو عمل ce qui va préserver tout ça c'est le مراجعة أي l'arbre, avec les fruits, tu es obligé de l'arroser. Si tu laisses ton arbre, maintenant tu as appris, tu as fait un livre. Mets-toi dans la tête, c'est comme un arbre qui vient de pousser. Si tu le laisses, l'arbre il va sécher, il va mourir. Moumkin, moumkin, à la fin, il ne te restera plus grand-chose. Fa'anta, ce ilm que tu as, tu l'arroses avec le muraja'a. Hatta, il revit à chaque fois. Il revit à chaque fois. Et ça, on le vit tous les jours. On voit, on a fait des livres sur les raja'a. Bah, il part. Il reste un peu de choses, il reste un peu. Fa al-ihtimam bil muraja'a. La ahad yahdur ad-dars illa wa raja'. Illa wa raja'. Sauf s'il a eu quelque chose, il a eu un marad, il a eu une chose qui l'empêche, là, un jour il a pas raja', ça arrive. Lakin tous les jours, il n'y a pas de muraja'a là. Là, prends du temps, ya akhi. Anta, t'as mis ta vie les talab al-ilm. On a laissé nos familles, on ne travaille pas, on a laissé dunya et la akhirah, que pour ça. Fa l'ajtahid idhalik. L'ajtahid, on se met à 100%. On n'a pas un temps sur l'orage, on hufad dès qu'il faut hufad, et la akhirah. Hatta Allah Azza wa Jalla yamfa' bina. Laisse Allah al-thabat. Al-akhir, al-amal. العمل بالعلم وهذه هي الثمرة الكبرى ça c'est الثمرة الكبرى ça c'est le but نحن tout ce qu'on fait c'est pour appliquer قال عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نعم أحسنت محبة المدرس إن شاء الله يلا محبة ادخلوا ما يفاد إشكال محبة المدرس نعم هذا اللي كونساي كونتان سي با بور لي دروس خاص سي بور لي دروس العامه كذلك دروس الشيخ كونتان الان tout ce qu'on a dit le fait de prendre des notes le fait d'être à l'heure c'est pour les دروس tous les دروس que ça soit الخاصه او العامه لا شك ان المحبه المدرسه ما تقصي بلا شك والمحبه بين المؤمنين واجبه واجبه المحبه بين المؤمنين واجبه انما المؤمنون اخوه قال عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسوى واجب لا ينبغي عدم المحبة بين الإخوة كسوى مدرس كسوى الشيخ كسوى الصغير أو الكبير المحبة سينغاق النصر Si quelqu'un fait une erreur, un nusr. Si quelqu'un il t'a fait du mal, qasdan ou bi ghayr qasd, al afu. Yani tu lui parles, et bi idhnillah, yani bab al afu est maftouh. هكذا الإخوة أما شكوى كسبة شوز أدخلوا خلاص سنو كوب لا لأن الإنسان اللي با معصوم وفي التوز دي زغار فأولا سبابه با لكن بالأمر بالمعروف أن العلمك إيه نغار ونتي تفي نغار أخي تفي نغار إلى آخر العمل قال السابع العمل بما تعلمت قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا هذه سن عظيمة عظيمة من العظائم عند الله أن يقول الإنسان ما لا يعلم أن يقول الإنسان نعم ما لا يعمل تعلمون الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في النار يكون رجلا يبطل كالحمار himar, comme une bête. Il y a des bêtes, des fois elles tournent. Imma les harf ou ghayr dhalik. Tu as déjà vu des vaches, maintenant, ils les prennent et ils labourent la terre avec. Et elles tournent. Elles tournent sur elles-mêmes. Il nous faut un système, ça tourne. Hakala. Fabrizi, ça veut dire qu'il va garder un hakala. Annas, ils vont venir à Inda. Ahlunar, ils vont venir à Inda. Ils vont lui dire Ya Anta. Yani, malak. Yani, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais finnar? Ou akunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ça montre qu'il avait du ilm. Et il leur montre, il leur dit faites ça, faites pas ça. Il a akhri. قال هذا الرجل قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أي je vous ordonnais le bien je ne faisais pas je vous interdisais le mal et je le faisais il a fini بالنار ça montre أن هذا الرجل il avait du علم et il n'a pas appliqué فالإنسان يعمل بقدر ما يستطيع ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم الإنسان il applique autant qu'il peut il applique autant qu'il peut أما كثرة العلم et il n'y a pas d'amal c'est une حجة عليك qu'est-ce que tu vas dire يوم القيامة الجاهل كما تعلمون الجاهل قد يعذر يوم القيامة في بعض الأمور celui qui ne savait pas certaines choses et il n'avait pas la possibilité de les apprendre يوم القيامة الله il peut le pardonner il a chaque أما أنت tu sais t'as lu on t'a montré tout ma tu ne fais pas t'as pas de حجة عند الله t'as pas de hujja عند الله بل العلم que t'as appris ça va être une preuve contre toi قال عيسى صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو عليك في الحقيقة ça te montre أن الأمر il est pas سهل أن celui qu'Allah il a وفق طالب العلم لا تظن خلاص c'est سهل لا والله tu t'es mis sur une طريق إما تستقيم عليها تستعين بالله عز وجل tu fais des efforts أو tu vas te faire du mal والله العامي الجاهل celui qui a une bonne niya c'est un jahel لكن il adore Allah comme il peut il a akhiré il est ahsan min talib ou alim et il ne fait pas il applique pas ce qu'il a appris il n'applique pas نسأل الله العافية قال الإمام الخطيب عليه رحمة الله ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلب العلم واجتهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد أو ليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا الإمام الخطيب يتفي النصيحة أن أولا فإن بنية تقدم معنا ثم تجتهد tu fais des efforts, t'appliques ce que t'apprends et il t'a donné l'exemple qu'on a donné avec l'arbre il t'a dit l'arbre c'est l'ilm et les fruits de cet arbre c'est l'amal un arbre sans fruits c'est pas grand chose il n'a pas une faïda comme un arbre avec des fruits il n'a pas une faïda comme un arbre avec des fruits Thumma il te montre أن العالم c'est un alam s'il applique s'il n'applique pas il n'est pas contaminé à l'ulama بل قال سفيان ابن عيينة رضي الله عنه ورحمه الله من أفسد من علمائنا ففيه شبه باليهود أو تشبه باليهود أي celui qui a du علم il applique pas avec سفيان رحمه الله il a dit هذا il a une صفة من صفات اليهود لأن اليهود ils savent des choses ils applique pas يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله عز وجل أخبر أنهم ils savent que النبي il était على حق ils savent très bien لكن العناد والكفر والكبر il les empêchait de suivre le Nabi فالسلوك كدعين mais ça l'empêche de faire il a une sifat une sifat اليهود وسيأتي معنا كلام شيخ العثيمين في الأصول الثلاث قال الشيخ العثيمين ونختم بهذا والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم فمن عمل بلا علم فقد شبه النصارى ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود هذا سيأتي معنا في شرح الأصول الثلاث الشيخ العثيمين يتموت أن celui qui fait des œuvres sans علم il ressemble au chrétien لأن النصارى c'est des juhal مثل الحيوان ils font sans علم اليهود c'est le contraire ils savent لكن ils font pas فالشيخ العثيمين il te montre que toi si tu fais des œuvres sans علم tu vas ressembler aux chrétiens et si tu as du علم et tu fais pas tu vas ressembler aux juifs قاتلهم الله وهناك أمور أخرى كالتدرج من أسباب إتقان الدروس التدرج أي لفت دفن العلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فمثلا التوحيد تكمل طبعا الأصول الثلاث، ثم القواعد الأربع، ثم الواجبات، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم فتح المجيد إلى آخره. تغيب أن بوني بو بإذن الله. أما تكمل صلاة تغيب تكمل صلاة لا ينبغي. فاستفد فاستفد العلم يعني سجل استفد ابدأ بالأصول بالصغار العلم شو لم يتخز بيه اتبوص تبوص هكذا. كذلك عدم التفكر في إعادة الكتاب سأصل المصيبة وبلوى وسوسة من وساوس الشيطان أن يغض من هذا الباب. مثلا الطالب يكمل سليم ثم الشيطان الوسوس يقول فاصون تبا غفر سليم خلاص ستو فكرة غضبطتين تبا بايت سريو تبا كمسي تبا دي راس باقرات فاصون تبا غفر ثم تبا غفر une deuxième fois تبا غفر une troisième fois et t'auras pas compris grand chose. Là tu fais un livre inshallah une fois. Tu te concentres dessus, tu le راجع et tu reviens plus dessus. إلا للمراجعة أو التدريس أو التدريس. أما دائما tu fais 50 fois l'usul talab, tu fais 10 fois l'ajrumiyya, tu vas pas avancer. Ça c'est des livres sahla. Tu le fais une fois, tu le راجع et t'avances. Et t'avances. كذلك من الأسباب عدم اليأس والقنوت. لا يجوز هذا لا يجوز. الله عز وجل إلى رحيم الله عز وجل إلى رحيم. فلس با الشيطان تو ديزيسبير تو دي موا شو با في بور طلب العلم موا جاريف با لا فاس كو تو بو ا تو نيفو بإذن الله تكون كم طلب العلم تفي طريق الجنة تفي طريق الجنة ففي ا تو نيفو اي افون اي ديزيسبير با ديزيسبير با. سي تو مي 6 موا احفظ الأربعين نووية اي تاريف با فيغ بلو بيت لا بأس c'est au niveau la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Fala c'est pas shaytan vous dire que t'as pas fait pour talab al-ilm abadan. Allah azza wa jalla amara ibadah bil ilm amara ibadah bil ilm. Ça c'est un dalil anna tout le monde est capable, tout le monde est capable. Lakin les gens ont des niveaux. T'as une personne elle peut apprendre comme ça, une personne elle peut apprendre moi. L'essentiel fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Qala sallallahu alayhi wa sallam ma amartukum bih fa'atum minhu mas tata'atum faqaddam al-dalil. Est-ce que je vous ai ordonné, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous pouvez. وآخر الأسباب الدعاء الدعاء أي كما تقدم قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم أي تدمض الله عز وجل الله يبدوني. فأنت دمض الله عز وجل كي تفاسدي دمض الله عز وجل كي تفاسكم بخور دمض الله عز وجل كي تكعد فتن دمض الله عز وجل ينفع بك إن شاء الله تدخل غادي وحير. والله الموفق. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. غدا نكمل الأصول الثلاث بشرح العثيمين إن شاء الله تعالى. نعم نعم أنا جوا محمد دمضى محمد إتاجي كوا أنا جوا الوا لا بد هذا لك à partir de demain on commence au sol talat chacun prend un frère et vous faites مراجعة deux tu trouves 10 minutes un quart d'heure il y a une فائدة عظيمة faites pas طلب عين tout seul c'est une erreur faites pas طلب عين tout seul خاصة في هذا المكان il y a des frères ماشاء الله ils ont avancé l'akhir استفد منهم استفد منهم خلاص on arrête personne n'a de سؤال ولا شيء حفظكم الله.